Ok, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre de yani, Kitab al-Tawhid, le Sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, Qurrat Uyun al-Muwahhidin, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. التعليق المختصر المبين. Donc on est toujours dans le deuxième chapitre. Mashallah, le livre il est vraiment bien expliqué. Donc c'est sûr que les chapitres on n'avance pas rapidement parce que ça prend le temps d'expliquer chaque point. Et c'est pas grave parce que au contraire c'est quelque chose qui est encore plus intéressant. Le fait qu'il y ait plus de clarification, ça nous aide encore plus à comprendre mieux le tawhid, et ça c'est extrêmement important. Et on est toujours dans le hadith, c'est le premier hadith du chapitre, le hadith de Ubadat ibn Samit. Et on a commencé à expliquer au dernier cours la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. C'est-à-dire que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, une parole qu'il a mis en Maryam et une âme de sa part, c'est-à-dire une âme qu'il a créée. Et on était en train d'expliquer ça au dernier cours, et on a expliqué en fait les propos de Isa alayhi salam qu'il va dire au jour de la résurrection. Dans Sourate Al-Ma'ida, on a expliqué ça au dernier cours, et on a terminé avec la citation du verset 28 à 36 dans Sourate Maryam, au dernier cours, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abuduh, hadha siratun mustaqim. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, Jésus, il dit certes Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le, adorez-le lui seul, voilà le droit chemin. Et ensuite le Cheikh il dit فَبَيَّنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي مَنْ سَلَكَهُ نَجَى وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَلَكَ. Donc il a expliqué le droit chemin, celui qui l'emprunte il sera sauvé, celui qui sort de ce chemin il va périr. Et donc on avait expliqué tout ça. Le cheikh il dit ensuite wa qala ta'ala inna mathala isa 'inda allahi kamathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbik فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Donc il cite le verset 59 et 60 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit l'exemple de Isa, de Jésus pour Allah, c'est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé à partir de la terre et il lui a dit sois et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Et takunan avec nous le tawkid pour confirmer, et minal mumtarin, yani de ceux qui ont des doutes. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il explique ici ce verset, il dit fala gharabata fi khalq Isa alayhi salam min ummin bila ab ma dama anna Allah azza wa jalla khalaqa Adam min turab min duni ab wala um falladhi قدر على خلق آدم عليه السلام من تراب قادر على خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب من باب أولى وهو لا يعجزه شيء. Donc le cheikh il dit il y a rien d'étonnant dans la création de Isa puisque il est sorti du ventre d'une femme comme tous les autres hommes. Donc pour nous ça c'est la norme, c'est qu'est-ce qui est ordinaire, qu'est-ce qui est naturel. Qu'est-ce qui est spécial à propos de Isa alayhi salam, c'est qu'il n'a pas eu de père. C'est ça qui est spécial. Il dit, mais lorsqu'on regarde Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a créé Adam, on voit qu'il l'a créé à partir de la terre, sans père ni mère. Et ça, c'est encore plus incroyable. C'est encore plus grand. Hein. Quand on dit incroyable, c'est-à-dire c'est encore plus surprenant, et encore plus miraculeux, si on devrait considérer les deux. Parce que le fait d'être né d'une femme et de sortir du ventre de sa mère, c'est normal. Mais quelqu'un qui n'a ni père ni mère, Allah l'a créé de terre directement, il a soufflé à l'intérieur de cette forme qu'il a créée, une âme, et elle a commencé à vivre et à bouger. Ça, c'est un miracle incroyable. Personne n'est capable de faire ça. Aujourd'hui, on est capable d'inséminer une femme avec une semence, même si un homme n'a pas eu un contact avec cette femme, elle va être enceinte avec une insémination artificielle. Et bien entendu, si Allah le veut. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on est capable de faire ça. Ça veut dire que la femme, elle va avoir un enfant alors qu'elle n'a pas de mari, elle n'a pas de père. L'enfant, il n'aura pas un père connu. Hein? Et ça, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé à Isa, qu'il est né sans père. Allah l'a créé directement dans le ventre d'une femme. Et cette chose-là, à notre époque, c'est même plus, c'est plus considéré même comme étant un miracle. Parce qu'ils le font tous les jours presque dans des hôpitaux aujourd'hui, d'inséminer une femme, puis que le bébé, il sort. La femme, elle n'a même pas de mari. Elle n'a même pas été touchée par un homme. Même que des fois, on a même parfois peut-être même inséminé une femme qui était vierge, c'est-à-dire elle n'avait pas eu de rapport dans sa vie, elle n'était pas mariée, elle n'a jamais été touchée par un homme, puis elle est tombée enceinte par insémination, et puis elle a accouché. Alors, ça montre que c'est des choses qui ne sont pas un si grand miracle que ça par rapport à la création d'un être humain à partir de la terre, et que Allah a insufflé l'âme à l'intérieur de cette forme et qui est devenue vivante par la suite. Ça, c'est un miracle encore plus grand. Et le miracle de la création de Hawa, Ève, qui, elle aussi, n'avait ni père ni mère. Il a pris une des côtes d'Adam et il a créé avec sa femme, sans père ni mère. Donc, le cheikh, il dit, donc celui qui a été capable de créer Adam, alayhi salam, sans père ni mère à partir de la terre, il est capable facilement de créer Isa sans père, avec une mère c'est-à-dire il avait une mère mais il n'avait pas de père. Et ça, c'est encore plus facile, si on veut, même si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout est facile pour lui et qu'il n'y a rien qui est difficile en ce qui le concerne, puisqu'il est le tout puissant. Donc tout ça, c'est juste un exemple qu'on peut donner à des chrétiens aujourd'hui. Vous dites qu'il est Dieu parce qu'il n'avait pas de père. Aujourd'hui, on peut inséminer une femme avec une insémination alors qu'elle n'est pas, elle n'a jamais été touchée par un homme, elle est encore vierge et elle peut être enceinte. Est-ce que ça veut dire que le bébé qu'elle va avoir, il va être divin? Est-ce que ce bébé-là, on va dire qu'il est Dieu parce que elle n'avait pas de mari, parce que l'enfant, il n'a pas de père? Non, parce que c'est Allah qui a créé cette substance qu'on a inséminée en elle. De la même manière que c'est Allah qui a créé Isa dans le ventre de cette femme. Et ça, c'est, ça reste que c'est une créature. Ça ne fait pas de cette personne un être divin qui mérite d'être adoré, en tous les cas. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit فَبَيَّنَ تَعَالَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا وَافِيًا وَأَقَامَ حُجَجَهُ وَأَقَامَ حُجَجَهُ عَلَى تَوْحِيدِهِ فَأَحَقَّ الْحَقِّ وَأَبْطَلَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Donc, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié le droit chemin d'une clarification qui est suffisante et complète. Et il a établi ses preuves sur la question du tawhid. Et il a montré sa véracité de façon complète. Et il a annulé et montré la fausseté de ce qui était faux. Et il a détruit. Donc, il dit le cheikh, même si cela déplaît aux mushrikoun, à ceux qui font le shirk, le cheikh il dit, هم الآن يروجون ما يسمونه بالإنجيل أو الكتاب المقدس وفيه هذه الكفريات الشنيعة والعياذ بالله ولا يستحون على أنفسهم أمام العالم فإن هذا الكتاب الذي يروجونه فضيحة لهم وليس هو دين المسيح عليه السلام ولا جاء به المسيح وإنما هو اختلاقهم وتغييرهم ويروجونه على أن هذا هو دين المسيح عليه السلام. Donc le cheikh il dit aujourd'hui ils propagent ce qu'ils appellent les évangiles. Et il dit ces évangiles ou bien le livre saint qu'ils appellent, la Bible. Il dit ça c'est des, dedans il y a toutes sortes de formes de coffres, des paroles de coffres dedans. Et ils ont pas honte de propager ça dans le monde entier. Alors que il dit le cheikh il dit il propage ce livre alors qu'il y a dedans des scandales pour eux et de la honte pour eux parce que ça c'est pas la religion de Jésus, c'est pas la vraie religion du Messie alayhi salam, et c'est pas le Messie lui-même qui a amené la religion qu'il pratique et qu'il prêche aujourd'hui, mais c'est uniquement quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils ont inventé eux-mêmes et qu'ils ont déformé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis ils le propagent comme ça, comme étant la religion de Jésus. Allahul musta'an. Donc, ici par rapport à ça, il y a une question qui a été posée au cheikh en note de bas de page. Qad su'ila shaykhuna hafidhahullah an hukmi qira'ati l'injil bi hujjati l'istifadati minhu fi munadharati nasara. هل تجوز مناظرتهم فأجاب لا تجوز قراءة الإنجيل إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم أما الذي يقرأ للاطلاع فقط وما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له هذا خطر عليه ولا يجوز الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم وإبطال حججهم لأنه كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم أما الذي يقرأها من باب الاطلاع أو الثقافة فلا يجوز لأنه قد ينطلع عليه شيء من ضلالهم وكفرهم انتهى كلامه. Donc le cheikh lui a posé la question, il dit cheikh, يعني quel est le verdict au sujet de lire l'évangile comme avec l'argument de vouloir en profiter pour faire des débats avec les chrétiens. Est-ce que cela est permis de débattre avec eux? Et le cheikh il dit, cela n'est permis que pour un savant qui a une connaissance établie dans la religion, dans l'islam, pour être capable de les réfuter. Tandis que la personne qui veut juste le lire parmi les musulmans, seulement pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans par curiosité, alors qu'il n'est pas établi dans la science de la religion de l'islam, alors ça dans ce cas-là c'est pas permis pour lui parce que ça peut être dangereux pour lui, et donc par conséquent il n'est pas permis pour lui de lire les livres des juifs et des chrétiens, excepté si c'est un savant qui est établi dans la science et qui est capable, qui veut les réfuter et détruire leurs arguments. Il dit, parce que sinon, comment pourrait-il réfuter leurs arguments s'il n'a pas lu ce qu'ils ont dans leurs livres? C'est pas possible. Tu peux pas les réfuter, sauf si tu as lu qu'est-ce qu'ils ont. Mais tandis que la personne qui fait juste lire ça, juste pour lire, pour apprendre, ou par curiosité, ou pour se cultiver, comme ils disent, il dit ça, c'est pas permis. Il dit, parce que la personne elle peut accepter parfois certaines de leurs égarements et de leurs formes de leurs paroles de kufr sans le savoir. Fin de la citation. Donc le cheikh ensuite, et cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue son explication. Il dit « قَوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ أي قَوْلُهُ كُنْ فَخَلَقَهُ بِكُنْ فَكَانْ ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. Donc le cheikh il explique que sa parole, que Isa c'est sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire que Isa c'est sa parole, la parole qu'il a mis en Maryam, c'est la parole du verbe impératif d'être. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Isa d'être, et il fut. Il lui a dit « sois » et il fut. C'est ça la parole qu'il a mis en Maryam. Et c'est pour ça qu'on dit que Isa, c'est la parole d'Allah, Kalimatullah. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé par le verbe impératif, l'ordre divin d'être et il fut. ففي إثبات صفة الكلام ففيه إثبات صفة الكلام لله. Donc il y a dans ça l'affirmation de l'attribut de la parole pour Allah, contrairement au Jahmiyya, qui nie les attributs d'Allah. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam il a créé Isa, il a créé Jésus avec le verbe soit et sans père, parce qu'il a le pouvoir sur toute chose, min ghayri ab wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc il lui a dit soit et il fut. Et il y a dans ça également l'affirmation de l'attribut de la parole, ithbatu sifati al-kalam min qawlihi ta'ala thumma qala lahu kun. Puis il lui a dit soit. Et il fut. C'est la preuve que Allah parle et qu'il a l'attribut de la parole. Contrairement aux Jahmiyyah, eux qui une secte égarée qui s'appelle les Jahmiyyah, et eux ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ruhun minhu. Wa ruhun minhu. Qawluhu wa ruhun minhu ay min al-arwah allati istakhrajaha min sulb Adam alayhi salam wa akhadha عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم وروح منه c'est-à-dire et une âme de lui, une âme qu'il a créée parmi les âmes qu'il a fait sortir de la, comment on dit, chaque fois j'oublie ce terme là, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir de Adam toute sa progéniture sous forme d'âme. C'est pas qu'il les a fait sortir avec leur corps et tout. Non, il a fait sortir leur âme. Et il a pris avec eux l'engagement que c'est lui leur Seigneur et que c'est lui seul qu'ils doivent adorer. Et ça c'est le Cheikh Izi Fahia. Donc ça c'est la preuve que Isa c'est une âme parmi les autres âmes. C'est pas comme certains parmi les gens d'égarement, parmi les soufis, qui pensent que cette âme-là, quand Allah a dit que c'est une âme de lui ou qui vient de lui, que ça veut dire que c'est une partie de lui. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie l'âme de chaque être humain alors qu'il est à 4 mois dans le ventre de sa mère. Et il envoie l'ange avec l'âme pour l'insouffler dans son corps. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yajma'u khalq khalq al-insan fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik 40 yawman ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة et après il dit ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله ويعني بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. Donc c'est pour dire que l'ange elle vient après yani c'est 120 jours, ça équivaut à 4 mois. Et pendant, après ces 4 mois, c'est à ce moment-là que l'ange vient souffler dans le ventre de la mère qui est enceinte. Elle vient souffler dans le fœtus l'âme du bébé. Et Allah lui ordonne d'écrire 4 choses, sa subsistance, son terme, combien de temps il va vivre, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Et donc tout ça a été écrit, et c'est pour dire que donc cette âme-là, c'est une âme qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour l'âme que Allah a insufflée à Isa alayhi salam. Et la raison pourquoi il dit wa ruhun minhu, c'est par honneur pour cette âme qu'il la relie à lui-même en l'attribuant à sa personne par honneur ou pour l'honorer. Comme il dit le cheikh ici, wa akhadha 'alayha al-'ahd 'ala annahu ta'ala rabbuhum wa ilahuhum. Cheikh Al-Fawzan il dit en commentaire à ce sujet, fa hiya ruhun makhluqatun ja'a biha Jibril 'alayhi salam bi amri Allah ta'ala wa nafakhaha fi Maryam 'alayha salam فتكون المسيح عليه السلام من هذه الروح المخلوقة التي نفثها روح القدس جبريل عليه السلام. Donc il dit le cheikh que c'est une âme qui est créée, c'est Jibril qui l'a apportée par l'ordre d'Allah et qui l'a insufflée en Marie, et c'est à partir de cette âme que le Messie a été créé, à partir de cette âme qui est elle-même créée et que l'Esprit Saint Gabriel, Jibril, a insufflé en Marie. Voilà ce que le cheikh a expliqué. Et il dit ensuite, كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات. Donc ça c'est le verset 172 dans sourate Al-A'raf. Il dit wa ruhu Isa min tilka al-arwah allati khalaqaha Allah ta'ala. Donc le cheikh il cite ce verset dans sourate Al-A'raf, le verset 172. Je l'ai mentionné au dernier cours. J'avais même pris beaucoup de temps pour la trouver. Donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans le verset 172 dans surat Al-A'raf. Il dit et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Donc ça c'est l'exemple pour dire que Isa alayhi salam, il faisait partie de ces âmes-là. Il faisait partie de ces âmes. Donc c'est une âme parmi les âmes que Allah a créées. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, wa dhakara ibn Jarir an Wahb ibn Munabbih عن وهب بن منبه قال نفخ جبريل في جيب ذرع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب ذِرْعِهَا وَكُمِّهَا انتهى مختصرا. Donc le cheikh explique que dans les paroles des ulama de tafsir, il y a différentes explications comment cette âme a été insufflée en Maryam. Et parmi les explications, il y a une narration que Ibn Jarir al-Tabari mentionne dans son tafsir selon Wahb Ibn Munabbih, qui dit que cette âme, Jibril l'a insufflée par la manche de Maryam. Donc il a insufflé, il a fait que cette âme soit soufflée en Maryam par sa manche, hein, jusqu'à ce qu'elle rentre dans son ventre pour faire vivre pour que elle soit enceinte. Donc il dit wa qala as-suddi, et as-suddi, il dit que l'âme qui a été soufflée a été insufflée par l'ouverture de son col ici, et parce que al-jayb, ça peut vouloir dire ça, al-jayb ça peut vouloir dire l'ouverture du col ici, ou bien ça peut vouloir dire les manches d'un vêtement. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos du khimar, que la femme elle doit se voiler avec le voile qu'elle doit porter. Il dit wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al juyub, c'est le pluriel du mot jayb. Al jayb, c'est l'ouverture du col, donc le décolleté ici, la femme avant l'islam, les femmes portaient un foulard qu'elles attachaient sur leur tête, mais elles laissaient l'ouverture de leur robe apparaître, donc le décolleté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'elles rabattent leur voile qu'elles ont sur la tête par-dessus leur visage jusqu'à leur poitrine. C'est ça qu'on appelle al-khimar. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des ignorants qui ne comprennent pas le Coran et qui pensent que la femme elle doit juste mettre quelque chose sur sa poitrine comme ça, elle peut laisser sa tête découverte et que c'est suffisant. Parce qu'ils interprètent le Coran en français dans sa traduction, et quand tu lis la traduction, ça dit qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine. Alors eux ils disent ah ben je veux mettre un grand voile sur ma poitrine, et elle comprend pas de quoi le contexte de cet ordre. Pardon? Oui, la traduction elle est mélangeante aussi, comme tu dis. Et effectivement. Donc ceux qui pensent pouvoir comprendre l'application, comment appliquer le Coran juste en lisant une traduction, ils sont dans l'erreur. Il faut se référer au texte dans la langue arabe, dans la langue origine, et il faut se référer aussi au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique ces versets-là, et aussi se référer aux paroles des sahaba qui eux aussi ont été témoins de la révélation et qui ont vu l'application du Coran de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des femmes des compagnons. Donc c'est ça qui est important pour comprendre bien comme il faut le Coran, et pas seulement de lire une traduction. Après, le cheikh il explique donc que Ibn Jurayj, il dit lui que c'est par la manche, par la manche que l'âme a été insufflée. Min kummiha wa zira'iha, par l'ange Gabriel. Et ça, c'est un résumé que le cheikh il a mentionné à ce sujet-là. Et cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, amma ayna nafakha Jibril alayhi salam fa hadha la ya'lamuhu illa Allah wa la sha'nu lana bihi wal muhim annahu nafakha an-nafkha allati takawwana biha al-masih alayhi salam wa nafakha fi dir'i jaybiha amma أو في فرجها والله تعالى أعلم. وفي الآية يقول تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا والضمير يرجع إلى فرجها. وفي آية الأنبياء يقول عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. Donc ici le cheikh explique, il dit où est-ce qu'il a soufflé? où est-ce que Jibril a soufflé l'âme, seulement Allah sait. On n'a pas d'affaire à rentrer dans ces détails-là pour de vrai. L'important, c'est qu'il a soufflé l'âme et que c'est de cette âme que Isa a été créé. Il dit qu'il l'a créé, il l'a soufflé dans la manche ou bien dans ses parties, hein, dans ses parties intimes, comme il le mentionne dans Surat At-Tahrim, le verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَفَخْنَا فِيهِ فَنَفَخْنَا الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. D'accord. Donc on va lire la traduction de ça dans Surat At-Tahrim, le verset 12. De même que Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes notre esprit. Donc le Cheikh, il dit le « i », hein, ici, le, ou bien le « damir », le pronom vers quoi revient yani, le fait d'avoir soufflé, ça revient « nafakhna fihi fihi yani, », ça revient à quoi ?« Al-farj yani, », c'est-à-dire yani, sa chasteté, l'endroit de sa chasteté, c'est-à-dire « ahsanat farjaha ». Si tu le traduis littéralement, ça veut dire qu'il a gardé ses parties chastes. C'est ça que ça veut dire. Elle a gardé ses parties intimes chastes. Parce que en arabe, les parties intimes, on appelle farj. Donc, ahsanat farjaha. Ahsanat, ça veut dire qu'elle les a yani, protégées, les a gardées chastes. Hein? Et donc, fanafakhna fihi, eh bien, le ha dans fihi, c'est un pronom qui retourne à quoi? Al-Farj. Donc, une des explications à ce sujet-là, c'est qu'il a insoufflé l'âme pour que ça entre par cette partie-là. Et dans l'autre verset, dans Surat, c'est dans quelle Surat ça? Dans Surat Maryam. C'est ça, dans Surat Maryam. Dans Surat Al-Anbiya, verset 91. Surat Al-Anbiya, le verset 91, il dit وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Donc il dit encore, il mentionne ce fait-là encore une fois dans ce verset aussi. On a dit le verset 91, hein. C'est ça. Et c'est la Vierge, et celle, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insoufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que son Fils, hein, un signe, hein, un miracle pour l'univers. Non, parce que eux, les chrétiens, ils prétendent que, en fait, ils prétendent que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Mais ils savent pas que l'Esprit Saint, c'est l'ange Gabriel en réalité. D'accord? Donc, quand ils disent, eux, l'Esprit Saint est entré en Marie, c'est pas l'Esprit Saint qui est entré en Marie. C'est Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, qui est venu pour insouffler l'âme en Marie. D'accord? Donc, les chrétiens sont mélangés dans ces questions-là. Après, le Cheikh, il dit, Jibril, نفخ والله donc ça c'est le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il dit فجبريل نفخ والله خلقه بقوله كن فكان كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه ولا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه فقال في الجواب هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كلها كذلك كما قال تعالى وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا وإيجادا وعيسى كذلك خلقه وخلقه وأوجده كسائر المخلوقات كسائر مخلوقاته. Ça c'est un bon point que le cheikh il a mentionné ici pour justement réfuter cette shubha. Il dit que Jibril alayhi salam, donc il a Gabriel, l'ange Gabriel alayhi salam, il a soufflé l'âme en Marie et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en disant soit et il fut. Et c'est l'exemple aussi à propos de la création de Adam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 29 dans sourate Al-Hijr, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, c'est-à-dire lorsque je l'aurai façonné et que j'aurai insufflé en lui mon âme, de mon âme. Quand il dit à propos de Adam qu'il va insuffler en lui de son âme, ça ne veut pas dire une partie de lui, mais une âme qu'il a créée et qu'il insuffle en Adam alayhi salam. C'est pas comme les soufis qui interprètent ça, que ils disent l'être humain c'est le vice-gérant de Dieu, représentant de Dieu sur terre, et comme s'ils prétendent que l'âme de l'être humain elle est divine elle-même parce qu'elle vient de Dieu, dans le sens qu'elle pense que c'est une partie de Dieu, puis que Dieu a mis en l'homme une partie de lui-même ou des choses de ce genre. Tout ça c'est du kufr et du shirk. La réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle son âme pour l'honorer, mais c'est une âme qu'il a créée parmi les autres, Et il dit, que soit purifié celui que personne d'autre que lui peut créer, et que personne autre que lui n'a le droit d'être adoré. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. À lui appartient toute la louange dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et à lui appartient le jugement, et c'est vers lui qu'ils retourneront, et ou que vous retournerez. Et il dit, et les chrétiens, ou certains chrétiens, ont voulu présenter aux savants musulmans, aux savants de l'islam, des arguments ou des shubuhat, comme on dit, pour essayer de justifier leurs idées ou leurs croyances à propos de Jésus. Et ils ont cité le verset lorsque Allah il dit wa ruhun minhu, et une âme de lui, en essayant de faire croire que ça veut dire que Jésus, il est une partie de Dieu, il est divin. Et dans les réponses que les ulama ont mentionnées, ils ont dit non, ça c'est pas spécifique à Jésus. C'est pas seulement Jésus qui vient d'Allah ou qui a écrit, parce que toutes les créatures viennent d'Allah. Allah les a toutes créées. Et ils ont cité comme preuve à ce sujet-là, le verset dans Surat Al-Jathiya, verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et il a assujetti pour vous tout ce qui est dans les cieux et la terre, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout jami'an minhu, tout ça vient de lui, en voulant dire que c'est de lui. Et ça ne veut pas dire que toute la création est d'Allah, parce que ça c'est la croyance des gens qui croient en wahdatul wujud, en l'unicité d'Allah, en l'unicité de l'existence, que ceux qui disent comme Ibn Arabi que il n'y a pas de différence entre créateur et créature, tout ce qui existe est Allah, donc ça c'est du kufr, et le cheikh il dit, comme Cheikh Al-Fawzan il commente sur les points qu'on a lus maintenant, et il dit كلها منه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, يعني وهل المخلوقات كلها من الله, بمعنى أنها بعض من الله, لا, لأن من ليست تبعيضية بل ابتدائية كما سبق بيان ذلك. Donc le cheikh explique que toutes les créations sont d'Allah, sont d'Allah, dans le sens que elles sont venues de lui, dans le sens que c'est lui qui les a créées, et non pas de lui dans le sens que elles sont une partie de lui, comme on l'a déjà expliqué, puisque Allah il dit dans le verset 13 dans Surat Al-Jathiya, il a assujetti pour vous ce qui est dans les cieux et sur la terre, et tout cela est de lui, donc est-ce que toutes les créatures sont d'Allah dans le sens qu'elles sont une partie de lui? Il dit non, bien entendu. Ici, le min, de ne signifie pas une, un de mentionner une partie de quelque chose, mais il est employé dans le sens du fait que c'est lui qui a débuté la création, c'est de lui qui est à l'origine de la création du ciel et de la terre, parce que c'est lui qui les a. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a dit, hein, c'est la lune est de Dieu, vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé, mais c'est pas une partie de lui, hein. Donc c'est ça. Et il dit ensuite, à propos du verset qu'on a lu maintenant, jami'un minhu ay khalqan wa ijadan kal masih, hein, minhu khalqan wa ijadan. Donc quand il vient de lui, dans le sens que c'est lui qui l'a créé, qui l'a fait exister, de la même manière pour le Messie, il l'a créé et l'a fait, c'est lui qui l'a fait exister. Et il dit ay khalqan wa ijadan wa Isa kadhalika khalaqahu wa awjadahu ka sa'ir makhluqatihi. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, wa fi hadha al-hadith ar-radd 'ala al-yahud a'da' Allah wa a'da' anbiya'ihi wa rusulihi فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغٍ قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. Donc il dit le Cheikh عبد الرحمن بن حسن qu'il y a donc dans ce hadith, le hadith qu'on est en train d'expliquer, une réfutation des juifs, les ennemis d'Allah et de ses prophètes et de ses messagers, et il les réfute parce que eux ainsi que les chrétiens ont été à deux opposés et deux extrêmes par rapport à Jésus, puisque ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime, hein, né de l'adultère. Allah al-Musta'an. Donc il dit que Allah les maudisse. Allah les a démentis dans son livre et il a montré la fausseté de leurs propos, et il a également montré la fausseté des propos des extrémistes chrétiens qui ont exagéré à propos de Jésus en faisant de lui un être divin ou une divinité. Et ça c'est, hein, mentionné dans les versets qu'on a mentionnés plus tôt ou précédemment. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet. Il dit انتهى من الرد على النصارى في غلوهم في المسيح عليه السلام وفي دعواهم انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثه وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغلو في حقه كغلو النصارى فقال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ثم انتقل إلى الرد على اليهود. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici on voit que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a terminé de réfuter les chrétiens à propos de leur extrémisme et de leur exagération à propos du Messie Jésus, le fils de Marie, lorsqu'ils prétendent qu'il est Dieu ou fils de Dieu ou qu'il est une part de la Trinité. Et il avertit contre leur extrémisme. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi mis en garde contre l'exagération à propos de sa propre personne. Hein? Et il nous a mis en garde contre le fait d'exagérer à propos de lui, c'est-à-dire à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, en parlant aux musulmans, n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave. Alors dites, serviteur d'Allah et son messager. D'accord? Et ensuite, le cheikh, il commence à réfuter les juifs maintenant. Hein? Et donc il dit, فَالنَّصَارَ غَلَوْ فِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ غَلَوْ فِي عِيسَى ابن مريم أعظم الغلو والكفر والضلال واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء فكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه Donc les chrétiens ont exagéré et ils sont tombés dans un extrême à propos de Jésus. Et ils sont tombés dans le coffre et dans l'égarement. De même que les juifs aussi. Ils ont manqué de respect à Jésus. Hein, et ils l'ont renié. Et ils ont agi avec lui à l'extrême du manque de respect. Et ces deux groupes sont donc dans un égarement lointain. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué cela dans de nombreux passages dans son livre. Le Cheikh Al-Fawzan, il commente ici en disant, وَلِيَعْتِدَالِ أَنَّقُولُ فِي الْمَسِيحِ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَنَقُولُ الْمَسِيحُ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ وَرُوحٌ مِنْهُ هَذِهِ هِيَ عَقِدَةُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَسِيحِ وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc le cheikh dit, le juste milieu et l'équilibre et la modération, c'est quoi à propos de Jésus? C'est de dire que c'est le Messie, comme Allah a mentionné, ainsi que son messager. Et donc nous disons à propos de Jésus qu'il est le Messie, le serviteur d'Allah et son messager. Et une parole qu'il a insufflée en Mariam et une âme également de lui. Et donc ça c'est la aqidah des gens de la vérité, ceux qui ont suivi le Messie parmi les musulmans. Parmi ceux qui ont suivi le Messie à son époque et parmi les musulmans. Donc ça c'est notre croyance. Et le cheikh il dit, وَبَيَّنَ تَعَالَى الْحَقِّ وَالصِّدْقِ فِي رَفْعِ قَدْرِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَهُ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَالشُّورَةِ. Donc le cheikh il dit qu'il a expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la vérité à propos de Jésus et qu'est-ce qui est véridique à son sujet, et il a élevé son statut, il a élevé le statut de Jésus en faisant de lui un parmi les cinq prophètes qui sont détenteurs de détermination, qui sont ceux qui détiennent la détermination parmi les prophètes que Allah a mentionné dans Surat Al-Ahzab et dans Surat Shura. Et ces cinq prophètes, c'est qui? C'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, alayhimus salat wa salam. Ces cinq prophètes, on les appelle Ulul Azm, c'est les plus grands messagers parmi les messagers d'Allah. Donc Allah l'a mentionné parmi ces cinq. Ça veut dire qu'il est parmi les prophètes importants et les messagers les plus importants que Allah a envoyés à l'humanité. Donc quand les chrétiens ils disent par exemple, ah, vous croyez pas en Jésus, hein? Et nous on dit non, au contraire, on croit en Jésus. C'est obligatoire pour nous de croire en lui. Ils disent oui, mais vous dites pas que, il est Dieu, ou fils de Dieu. On dit non, on dit pas ça parce que ça c'est faux. Mais par contre, on dit de lui qu'il est un parmi les grands messagers d'Allah et un prophète parmi les prophètes. Et ça c'est suffisant comme glorification pour lui, Et c'est suffisant par respect pour lui. On n'est pas obligé de l'élever à un niveau de Dieu ou de divinité pour lui montrer du respect, parce que ça en réalité, même si eux ils pensent que c'est du respect, en réalité c'est pas du respect, c'est quelque chose qui le rabaisse en réalité, parce que c'est quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il a enseigné et ça fait partie même de qu'est-ce qu'il a interdit lui-même. Il n'a jamais accepté que les gens l'adorent ou que des gens l'élèvent au-dessus de Dieu, ou qu'il fasse de lui un égal à Dieu. Et ça, c'est un blasphème, un des plus grands blasphèmes parmi les blasphèmes que quelqu'un peut inventer, à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est certain que Isa, alayhi salam, il n'a rien à voir avec ces gens-là, qui disent ce genre de propos-là. Et au jour de la résurrection, il va se désavouer d'eux, comme il le mentionne Allah dans Surat Al-Ma'idah. Et même dans le livre des Juifs et des Chrétiens aujourd'hui, dans le livre des Chrétiens et des Juifs aujourd'hui, en particulier des Chrétiens qui croient en l'Évangile ou qui croient en le Nouveau Testament plutôt, dans leur livre aujourd'hui, il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans Matthieu ou dans Marc, mais dans ce passage-là, ça dit qu'il y a des gens qui vont venir au jour de la résurrection, qui vont dire, comme si en voulant dire, ils vont dire à Jésus, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? et que Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Hein? Parce que, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont fait des actes d'adoration au nom de Jésus, alors que Jésus leur a enseigné de faire les choses au nom d'Allah et de faire des choses pour Allah et non pas pour lui. Donc, il va se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Hein? Et il dit, وَبَيَّنَ تَعَالَى الْحَقِّ. Donc, le Cheikh, il explique, il dit, وَفِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَفِي الشُّورَةِ في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء هم أولو العزم من الرسل وذكر فيهم عيسى عليه السلام. Donc c'est ça, les deux versets. Le verset, c'est le premier verset dans sourate Al-Ahzab, c'est le verset 7, et dans sourate Shura, c'est le verset 13. Dans ces deux versets-là, on mentionne « Ulul Azm min al-Rusul ». Et il dit ensuite, le dernier paragraphe qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, il dit « Wa amara nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam an yasbira kama sabaru faqala fasbir kama sabara ulul azm min al-Rusul fahum afdalul rusul ala al-tahqiq » والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc le Cheikh عبد الرحمن بن حسن, il dit que Allah سبحانه وتعالى a ordonné à notre prophète, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, d'être patient et d'endurer comme ont enduré les prophètes qui ont la détermination parmi les messagers. Et il dit ça dans le verset 35 dans sourate Al-Ahqaf. Hein, Allah dit dans ce verset-là, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. C'est-à-dire fais preuve d'endurance et de patience comme ont été endurants ceux-là parmi les messagers, ces cinq messagers ou les autres messagers parmi Ulul Azm, parce que lui-même il en fait partie. Hein? Donc ils sont les meilleurs parmi les messagers, ces cinq-là sont les meilleurs parmi les messagers, et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des cinq alayhi salatu wassalam. Et donc il dit paix et bénédiction et salut sur tous les messagers d'Allah et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente ça en disant wa hada raf'un li sha'n al-masih alayhi salam wa anna Allah ja'alahu min ulil azmi alladhina amara Allah nabiyahu alayhi salatu wassalam an yasbira sabrahum. Donc ça représente donc un exemple d'élévation de l'importance du Messie, Jésus, fils de Marie, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un des cinq prophètes déterminés, hein, avec la détermination, et il a également ordonné à notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire preuve de patience et d'être endurant comme lui. Donc ça montre son importance et son degré élevé. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah, demain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on a terminé ici cette partie-là à propos de Isa alayhi salam. Et on va au prochain cours demain commencer avec la suite du hadith wa anna al-jannata haqq, et que le paradis est véridique. Et donc on va expliquer la fin du hadith aussi. Hein? Donc ça c'est une bonne chose, alhamdulillah. Ouais. selon l'explication des ulama, d'après ce qu'ils ont expliqué de ce verset-là, les âmes des êtres humains sont créées avant leur corps. Oui. Et donc, les âmes des êtres humains existaient avant qu'ils soient créés. Naam. Wallahu ta'ala a'lam.